Chapitre 15 des Essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouan. Essai par Michel Ekem de Montaigne, livre 1, chapitre 15. De la punition, de la couardise. Jouis autrefois tenir à un prince, et très grand capitaine, que pour lâcheté de cœur, un soldat ne pouvait être condamné à mort. Lui étant à table, fait récit du procès du seigneur de Vervins, qui fut condamné à mort pour avoir rendu Boulogne. À la vérité, c'est raison qu'on fasse grande différence entre les fautes qui viennent de notre faiblesse et celles qui viennent de notre malice. Car en celle-ci, nous nous sommes bandés à notre escient contre les règles de la raison que nature a empreintes en nous. Et en celle-là, il semble que nous puissions appeler à garant cette même nature pour avoir laissé en telle imperfection et défaillance, de manière que prou de gens ont pensé qu'on ne se pouvait prendre à nous que de ce que nous faisons contre notre conscience. Et sur cette règle, et en partie fondée, l'opinion de ceux qui condamnent les punitions capitales aux hérétiques et mécréants, et celle qui établit qu'un avocat et un juge ne puissent être tenus de ce que par ignorance ils ont failli en leur charge. Mais quant à la couardise, il est certain que la plus commune façon est de la châtier par honte et ignominie. Et tient-on que cette règle a été premièrement mise en usage par le législateur Charondin, et qu'avant lui, les lois de Grèce punissaient de mort ceux qui s'en étaient fuis d'une bataille. Là, où il ordonna seulement qu'ils fussent par 3 jours assis et mis à la place publique, vêtus de robes de femme. Espérant encore s'en pouvoir servir, leur ayant fait revenir le courage par cette honte. Suffundere malis hominis sanguinem quam effundere. Il semble aussi que les lois romaines punissaient anciennement de mort ceux qui avaient fui. Car Ammianus Marcellinus dit que l'empereur Julien condamna 10 de ses soldats, qui avaient tourné le dos à une charge contre les Parthes, à être dégradés, et après à souffrir mort, suivant, dit-il, les lois anciennes. Toutefois ailleurs, pour une pareille faute, il en condamne d'autres, seulement à se tenir parmi les prisonniers sous l'enseigne du bagage. L'âpre châtiment du peuple romain contre les soldats échappés de Cannes, et en cette même guerre, contre ceux qui accompagnèrent Gnaeus Fulvius en sa défaite, ne vint pas à la mort. Si est-il à craindre que la honte les désespère et les rende non froids amis seulement, mais ennemis? Du temps de nos pères, le seigneur de Frangais, jadis lieutenant de la compagnie de M. le maréchal de Châtillon, ayant par M. le maréchal de Chabannes été mis gouverneur de Fontarabie au lieu de M. de Lude, et l'ayant rendu aux Espagnols, fut condamné à être dégradé de noblesse, étant lui que sa postérité déclarée roturier, taillable et incapable de porter armes. Et fut cette rude sentence exécutée à Lyon. Depuis, souffrirent pareille punition tous les gentilshommes qui se trouvèrent dans Guise, lorsque le comte de Nansou y entra, et autres encore depuis. Toutefois, quand il y aurait une si grossière et apparente ou ignorance ou couardise, qu'elle surpassât toutes les ordinaires, ce serait raison de la prendre pour suffisante preuve de méchanceté et de malice, et de la châtier pour telle. Fin du chapitre 15.